Je pense pas. J'ai pas d'émotivité qui affecte mon intellect. Je suis bête. Fait que vivez vos expériences. Puis arrêtez d'en parler. Ça intéresse pas le monde, vos expériences. Il y en a qui, aussitôt que je change de cigarette, il l'explique à tout le monde. Vivez vos expériences. Vous allez voir qu'un jour, on en vient à un point où on est tanné, on vient écœuré d'entendre les histoires du monde. On vient tanné. On vient. C'est-tu une chose? Une chose qu'on est vient réellement tanné d'entendre, c'est les rêves. J'ai rêvé après la fin de la semaine. Rêvez, rêvez. Vivez-les vos rêves, comprenez-les vos rêves. Moi, j'ai dit à Gisèle, arrête-moi ça, cette affaire-là, les téléphones. Les gens l'appelaient pour ci, puis ils disaient, l'appelaient pour ça. Il y en a, ça y pique en arrière du genou, mais ça, ouais, c'est sa conscience qui rentre. L'autre, c'est d'autres choses. Frère. Parce qu'un jour, on veut bénéficier un jour d'être avec des gens intelligents. Moi, c'est ça que je recherche de plus, parce que c'est ça qui me donne le plaisir de vivre, c'est de rencontrer du monde intelligent, prendre une petite jasette, puis parler de toutes choses, puis tout, mais parler vers l'extérieur, tout le temps, toujours vers l'extérieur. C'est intéressant, socialiser. On va avoir besoin de ça un jour, de socialiser entre nous autres. Puis les gens qui sont intelligents commencent, le savent qu'ils sont intelligents, puis ils sentent les gens qui sont intelligents. Puis ils s'apprécient les uns les autres. Après ça, les gens disent, comment ça fait que moi, comment ça fait que je suis jamais avec ces gens-là? Comment ça fait que c'est... Tu peux pas être avec ces gens-là, ça vide pas! T'es fatigué! T'es mémé! Tu commets! Tu jases! Tu parles pas, tu jases. Quelqu'un t'écoute, faut que tu lui dises quelque chose, faut que tu lui donnes quelque chose, faut que tu lui fasses passer quelque chose. Là, il va avoir t'écouter. C'est le fun de parler avec du monde quand tu sens que c'est solide, ce qui sort. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens il y a des gens qui viennent d'un séminaire, ça fait pas longtemps, puis tu sens déjà que c'est solide. Ils ont déjà tout un apprentissage derrière eux autres, ils ont toute leur vie, leur expérience. Puis il y a des gens qui sont, ils peuvent être dans un séminaire pendant 40 ans, puis ça vient pas. Sacrément, tu te décourages, tu prends du coup. Il y a du monde, ça vient pas, on dirait que c'est comme une toilette, tu mettrais du Draino. Ils sont bloqués. Moi, ça me dépasse. Pouvez rire. C'est effrayant. Je dis pas si t'as des cours de physique à l'Université de Montréal. Faut que tu les aimes pareil. Mais tu peux pas faire de party et les inviter chez vous. Ils vont monter des rideaux. On devrait être capable, nous autres, de faire des petits parties puis avoir du fun, puis tu sens, tu sais. C'est important à Noël. Il y en a qui ont décroché complètement. Danser dans une forme, danser. capables. Ils sont plus capables. Ils sont plus capables d'intégrer le physique avec le mental. Fait que t'as du but de faire des petits parties à sauver. Même tous les 1000 personnes conscientes, tu peux en faire tout un party. On a du fun. Non, il y en a qui sont dans le coin, ils sont croches, là, puis ils regardent les autres. Puis ils sont tous gelés. Des vrais paraplégiques. C'est parce que les gens sont pas à la hauteur d'eux-mêmes. Mais l'évolution, c'est de même. Il y en a qui vont vite, puis il y en a qui sont slow. Et ça, on n'y peut rien. C'est sérieux, c'est pas mental, c'est pas mental. Pardon? C'est sérieux, c'est pas mental. C'est ça qu'elle nous dit. C'est sérieux, c'est pas mental. Ouais, danser, puis s'amuser, puis avoir du fun, là, c'est pas supposé d'être exclu comme étant spirituel. Mmh. Ça marche pas en temps, mmh. Pas supposé de... Ouais. D'avoir des vibrations comme du rock and roll, puis... Ouais. Il faut être d'air bête aussi. La danse, que les gens, ça les intéresse pas, la danse, c'est une chose. Mais que les gens soient toutes croches parce que ça danse, c'est une autre affaire. Oui, ça m'intéresse pas de faire du ski. Mais c'est pas parce que ça, moi, ça m'intéresse pas de faire du ski que les gens qui font du ski, ça marche pas. T'sais. Faut vivre puis laisser vivre. C'est la forme. La forme. Les gens sont pognés dans fort. C'est pour ça que j'ai choisi la danse. J'ai pas choisi une jeu de cartes. J'ai choisi la danse. Parce que la danse, c'est quelque chose de bien astral. C'est bien ça. Mais il faut que l'homme fasse la connexion. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on fasse le tour du cercle. On peut pas toujours être accroché sur la montagne. Il faut qu'on descende dans la vallée. Sans ça, on va être des vrais moines, des moineaux. Ils disent que c'est très dur pour l'homme de passer de l'inconscience à la conscience, à la spiritualité et revenir à la conscience. C'est très difficile parce que tant qu'il n'est pas libre des formes, il n'est pas capable de faire la connexion. Il n'est pas capable, c'est tough. Ça prend un certain temps. D'accord, ça je suis d'accord. Mais un certain temps, puis un certain temps. Il y a du monde, ça le prend des siècles. Quand tu comprends quelque chose, tu comprends quelque chose. Génial. Mais ça, c'est parce qu'on se prend trop au sérieux. On n'a jamais été informé. On était longtemps inconscient. On était c'est important de se rendre en train d'être spirituel. Oui, d'accord. Mm-hmm. Juste. Éventuellement, on en sort. Il faut en sortir. Il faut apprendre à relaxer. Ils disent que la vie, c'est beau quand c'est bien vécu. Ils disent, nous autres, on est sur notre plan, vous autres, vous êtes sur le plan 7. Organisez-vous, faites votre affaire. Nous autres, on fait notre affaire en haut, vous autres, faites votre affaire en bas. Et quand vous le faites bien, bien. On a des principes, nous autres, faut que ça... Vivre sur le plan matériel, il faut... Des principes te servent. Les gens pensent que... Parce qu'on parle tout de l'astral, de la conscience astrale, de la conscience astrale, que là, là, ils ne peuvent plus vivre astralement. Vous allez toujours encore astral. quand vous mangez l'astral, quand vous touchez ça, c'est dur, c'est astral, c'est votre corps astral qui vous permet de sentir la dureté de ça. Le corps astral, c'est un corps essentiel. Alors, l'affaire de l'effroi, cette conversation-là sur l'effroi, c'est très important. Les craintes qui, au cours des années, au fur et à mesure que vous allez vous conscientiser, vont, pas les craintes, les expériences pénibles, souvent dures, sont nécessaires, puis vous devez apprendre à ne pas vous en inquiéter. Parce que vous ne savez jamais quand l'esprit fait un bond vers l'ego, vers vous. Vous ne savez jamais. Ça peut vous prendre n'importe quand. N'importe quand. Au moins, vous saurez que quand ça se passe, prenez ça mollo. Là, il y a des gens qui commencent à me parler, là, qui sentent des entités chez eux, qui sentent ci, qui sentent ça. C'est normal. Occupez-vous-en pas. Ils vont pas vous manger à l'insu le dos. Ils ont un autre plan. Ils vont pas vous donner un coup de marteau sur la tête. On va être habitué petit à petit à l'invisible, ce qu'on appelle l'invisible. Ça n'existe même pas, l'invisible, parce qu'on voit de l'air. On est habitué. Et ça, ça fait partie de nos expériences. Alors, on sait qu'on doit apprendre à vivre ces expériences-là d'une façon calme, de plus en plus calme, puis un jour, ça ne nous affecte plus. C'est un grand travail qui se fait. Conte-nous en donc une de tes expériences. Quand vous en racontez une? Ouais. Quoi? Qu'on nous en a une bonne. C'est la pire. Ouais. Prends le micro, ok? Pour l'entendre tout, ok? C'est vrai. Ouais. Non, oui. Je me compte que la situation n'avait pas été produite. Ouais. J'étais dans une journée sur la journée, mais juste d'être prise, puis j'ai commencé à me sentir mal. Physiquement. On avait des soeurs soir, ensuite, voir que les décors changeaient, le jet, les gens s'allongeaient. Donc, on a des formations de visuelles. J'avais pas mal. Ensuite, sentir des soeurs soir. Je pensais que j'étais plus reconnaissante. Je pensais que j'étais pour tourner, je pensais que j'étais pour mourir, tout ça en même temps. Puis, c'était vraiment très pénible. Là, tout à coup, j'ai senti que je basculais dans quelque chose qui n'était pas le réel, qui n'était pas la première réalité. Puis, c'était une hallucination qui a duré 3 heures. Puis, j'avais tous mes sens qui étaient dans ça. C'était fait quand je faisais comme une sensation, c'est que j'étais le centre. Je me sentais le centre, comme si j'étais en pierre. En même temps, j'étais le pied dans la tête de la vie. En même temps, il y avait comme des images, des sensations, donc c'était la guerre, la paix, tout ça, puis j'ai découvert les autres. Comme si j'étais dans la situation, c'était pas vrai, je m'en allais, puis tout ce qui était dans la tête. Je me suis dit, c'est pas vraiment le fond. Si ça durait très bien pendant ce temps-là, j'ai pas bougé. La personne qui était avec moi me parlait. J'entendais rien, je ne parlais rien. J'étais absolument incapable de bouger. J'étais. Tous les membres étaient collés contre mon corps. Qu'est-ce que tu fais? C'était vraiment, c'était pas une information de votre réalité. c'est simplement une illusion. C'est vraiment ça, quand c'est le vidéo. C'est le vidéo, c'est vraiment... C'est pas comme une imagination. Tu vivais la mémoire. Tu vivais une mémoire. Réellement. Mais t'en as plus des grosses des expériences comme ça aussi intenses maintenant. Ça dépend. Si les expériences passées ont été traumatisantes, automatiquement, elles sont fixées dans la mémoire. Et si c'est très fixé dans la mémoire à ce moment-là, ça émotivement, on en paie le prix. Ça dépend des expériences. Parce que s'il fallait que les hommes vivent des expériences en relation avec leur mémoire, ça sera pas, l'homme ne pourra pas vivre sur la terre, l'homme craquerait. Ah, mais il y a des expériences qui sont très, très intenses et qui demeurent suffisamment près de la conscience de l'homme. Et ce sont ces expériences-là qui servent de fond à tout ça. Est-ce que l'expérience que tu as vécue pendant la vie, ce n'est pas nécessairement sa vie personnelle à elle. Ça peut être une pénétration dans sa conscience d'une mémoire. Parce que... Quelle que soit la mémoire, elle peut aller chercher du matériel. Alors, selon sa sensibilité, selon son état émotif, c'est toujours l'état émotif qui détermine ce qu'on peut vivre. Alors, si une personne a une grande sensibilité émotive au niveau astral, automatiquement, cette personne-là peut vivre des expériences au niveau de la mémoire qui se concrétisent dans cette expérience-là à cause de sa sensibilité. C'est sa sensibilité qui lui permet de vivre ça. Au niveau mental, c'est différent. Au niveau mental, les expériences dans le mental ne sont pas traumatisantes de la même façon. C'est une autre sorte de souffrance. Au niveau du corps astral, mais c'est imagé. Dans le mental, c'est plutôt psychologique. Ouais. Les expériences de niveau, par exemple... des frayeurs qu'on peut expérimenter à travers des expériences spirituelles. On va avoir des plans plus raffinés de la création, des affaires comme ça au niveau de à l'intérieur d'une méditation ou à l'extérieur d'une méditation qui sont reliés indirectement à ça. Est-ce que ça fait partie de ce que tu appelles, pour moi j'appelle ça des frayeurs, parce qu'on sent que c'est qu'on fait partie de soi-même. Mais est-ce que ça fait partie de la foi? Oui. Tout ça fait partie de la foi. Parce qu'on se sent comme s'il y avait quelque chose qui. Comme une peur de soi-même qui devait mourir face à cette expérience-là. Mmh. Ouais. La foi, génériquement parlant ou universellement parlant, c'est toujours cette expérience de l'homme qui fait que l'ego a peur de se dissoudre. Ouais. Ça revient à ça. Alors, généralement parlant, là où l'ego a peur de se dissoudre vient la foi. Alors, plus l'expérience est rapprochée. Plus l'expérience est rapprochée de cette possibilité-là, que ce soit sur le plan astral ou que ce soit sur le plan mental, l'effroi est grand. Mais ça, au moins, l'expérience sert à ajuster les corps. De sorte qu'un jour, lorsque l'ego se dissout, l'homme ne vit plus d'effroi. Il passe d'un plan à l'autre. Alors, on est obligé de vivre des expériences comme ça. On a l'impression que je n'ai plus, là. T'as l'impression que tu dis... tu dans tes culottes, mais t'as pas le choix de le faire, puis tu passes au bord, c'est ouais. Final. Ouais, ouais. Comme j'avais fait l'expérience, on dormait dans un shop, et on travaillait. C'est pareil comme si, dans ma tête, tu pourrais passer un tas de monde. Comme sur un autre mètre, on avait des capitaux, des personnes. Dans la journée, là, les techniciens qui travaillaient autour, là, ça a tout été dans la journée, ils ont tout fait des gaps, ils ont tout fait entre les grilles. Parce que c'est un rapport direct avec ce que je veux dire. Faut pas chercher de rapport. Faut. C'est ça que je disais à soir. Faut pas rationaliser nos expériences. Dans le sens que le fait de l'avoir perçu, ça, c'est d'avoir. Ça n'a pas d'importance. Ça, ça a une grande importance de réaliser que ça n'a pas d'importance. Parce que si vous essayez de voir des liens, automatiquement, vous renchérissez l'ego. Vous entretenez, vous développez. Il faut couper net. Qu'il se passe n'importe quoi en relation avec ça, que vous vous en désengagez, toujours s'en désengager. Les gens, c'est le contraire, qui font, ils s'engagent, puis ils veulent savoir comment ça se fait, qu'est-ce que c'est, puis explique-moi dans ça, puis on va voir des voyants, puis les voyants expliquent une affaire, puis tout ça. Fait que les gens viennent tout bouleverser. Faut totalement se désengager de ça. Totalement. C'est bien important, ça, de se désengager de ça. Faut plus réagir face à cette. Éventuellement, ils vont disparaître si vous apprenez à pas réagir. Sans ça, vous allez nourrir. C'est pas normal pour l'homme d'être psychique. L'homme ne devra pas être psychique. C'est une abnormalité du corps astral, le psychisme. La médiumnité, c'est une abnormalité. C'est un débalancement du corps astral. Tout ce que les gens considèrent comme étant intéressant, comme étant paranormal, comme étant ci, comme étant ça, ce qu'on lit dans les livres, là, les livres puis les journaux astro, et ainsi de suite, là, c'est tout un débalancement des corps. C'est le fait que les corps sont débalancés que vous vivez ces expériences-là. Et ces expériences-là, vous n'en avez pas de besoin. Et vous les vivez parce que vos corps sont débalancés. Alors, ça vous amène à les rebalancer, ces corps-là, si vous êtes de plus en plus intelligent, si vous pouvez comprendre ce qui se passe. Sans ça, ça vous amène à défaillance. Ça peut vous servir, ces expériences-là, si vous êtes intelligent, mais si vous ne comprenez pas ce qui se passe, éventuellement, vous partez en ballon. Non! La clé, c'est de ne pas s'en occuper. Demandez-leur pas ce qui se passe, ils vont vous dire quelque chose. Pour vous amener à perdre cette curiosité-là. On a une expérience, mais elle ne se posait pas de questions à savoir. Même elle demandait à l'autre personne de la sauver elle-même de son expérience. Elle a vu des points. Quand elle était punie, c'était fini, puis elle continue à autre chose. On peut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau égoïque. Les gens savent ce qu'une personne qui vit des expériences, vous savez ce qui se passe. C'est normal. Mais on ne sait pas comment apprendre ce qui se passe. Moi, si une personne a une expérience quelconque, il y a plusieurs façons que je peux répondre. Je peux dire c'est pas important. Ou je peux dire fais-en pas. Ou je peux dire, inquiète-toi pas. Ou je peux dire, mande-leur donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je veux dire, mande-leur donc, qu'est-ce que c'est? Pour qu'il se développe dans la personne une sécurité. Pour que son intelligence puisse lui expliquer ce qui se passe. Mais elle va le faire correctement quand je suis là. Mais après ça, là, ils peuvent jouer avec vous autres. Là. C'est pour ça que je vous dis, faites vos expériences. Croissez-vous pas la tête. Une fois que vous savez qu'il n'y a rien là, Tournez la page, tout le temps. Fait qu'éventuellement, vous développez de l'instance, éventuellement, ça disparaît. C'est moins intense. Mais il faut que ça soit résolu, ces problèmes-là, un jour. Elle ne peut pas vivre des expériences comme ça pendant toutes les années. Faut que ça se passe un jour. Que ça se passe quand tu commences à rentrer dans ton intelligence. Puis il y a beaucoup de monde dans le monde qui sont débalancés au niveau du corps astral, qui ont une trop grande sensibilité au niveau du corps astral. Il y en a qui sont débalancés au niveau du corps éthérique. Il faut que ça s'ajuste. Mais nous autres, on nourrit ça, puis on lit des livres, puis on lit des journaux, puis on parle avec des médiums, puis on parle avec des voyants, puis on parle avec tout ça de monde. Puis éventuellement, on vit dans ce milieu. Faut pas vivre là-dedans. Un homme qui est conscient, il vit sa terre. Il visite, là. Quand tu veux changer de plan, tu changes de plan, mais là, tu vis là. Tu changes de plan, tu vis là. Tu changes de plan, tu vis là. Mais tu mélanges pas toutes ces affaires ensemble. Quand tu veux vivre une vie, puis avoir une job, puis avoir des enfants, puis avoir une vie normale, puis tu fais des études quand t'es poigné dans une affaire de même, comme un élévateur, c'est impossible. À ce moment-là, je parle bien tout de suite ici dans notre travail. Quoi? Je suis vraiment dans l'intelligence, sinon, c'est moins bien. Ça dépend comment est-ce que l'intelligence va... Ça dépend comment l'intelligence va se canaliser. Ton travail peut changer, mais quand tu... C'est toute l'affaire de justement, ça. L'homme peut pas travailler dans l'intelligence. L'homme peut pas travailler avec son intelligence avec grande facilité au début, parce qu'elle est trop forte. Fait qu'elle suit... L'intelligence, elle a ses propres lois. Et ses lois sont pas les lois de l'ego. Alors, l'ego s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste, puis ça peut être difficile pour un homme de travailler avec son intelligence dans un plan matériel. Il y a des gens qui ont des difficultés. Avec le temps, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Ce qui est important pour l'homme, c'est qu'il ne s'inquiète pas pour rien. Ça, c'est important. Et le temps, ça s'ajuste. Quand c'est ajusté, mais là, ça fonctionne. Les lois de l'esprit ne sont pas les lois de l'ego. Tu peux fermer ça. Ah oui, ah oui. Alors, les lois d'esprit ne sont pas les lois de l'ego. C'est des lois totalement différentes de l'ego. C'est là que l'ego doit s'ajuster à l'esprit. C'est ça qui est dur pour lui. Ça ne se rationalise pas de l'esprit. C'est supra-rationnel. Mais c'est jamais irrationnel. Mais c'est supra-rationnel. C'est extrêmement fin et extrêmement intelligent, puis ça, c'est tout. C'est à nous autres de nous ajuster à nous autres. Autrement dit, à notre haute intelligence, à notre intelligence réelle. Après ça, bien, la vie devient très facile. Mais on est bourré de mauvaises habitudes. C'est effrayant. Mais tout se fait graduellement, graduellement, graduellement, graduellement, graduellement, graduellement. Puis on le sait, quand on regarde en arrière, on voit qu'on a changé. On regarde en arrière, on voit qu'on a changé. Au moins, on voit qu'on s'en va quelque part. Il faut toujours fermer le cercle. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir fermer le cercle, passer du matériel au spirituel à la conscience pure, puis redescendre dans le matériel. Ne jamais retoucher au spirituel. D'ailleurs, rendu à ce point-là, tu ne peux plus parce que tu es tellement sensible au fort. Comme toi, tu disais à soir, là, quand tu fais ton... comment ça s'appelle ça? Ton... comment est-ce que tu disais ça? Faire et non faire? Bon, mais regarde la forme du vie. Le faire et non faire, c'est une forme spirituelle. Quand tu seras bien, bien mental, tu ne pourras pas employer ces mots-là. Tu veux dire d'autres choses. Si tu commences à dire à quelqu'un, mais moi, je suis dans le faire et je suis dans le non faire, conversation, là. Là, tu tombes dans. Ça va être spirituel. Ça va être. Tu comprends la relation, là? Moi, je te disais, bon, quand je suis chez nous, je suis dans le non-faire. Dis-le moi. C'est une forme spirituelle. Fait que toi, quand tu me parles, moi, c'est ça que je poigne, la vibration. C'est ça que c'est la façon dont vous parlez qui me permet de voir s'il y a encore en vous de la spiritualité ou de la métaphysique ou de la philosophie spirituelle ou de la philosophie quelconque. Elle n'a pas de ça. Quand elle parle, elle, c'est... Straight ici, là. C'est bien ici, à terre, ici. Là. Elle ne dirait pas du faire et du non-faire. Elle dirait, quand je veux rien faire, je fais rien, puis quand je veux faire quelque chose, je fais quelque chose. Yeah. D'autres mots. Fait que la façon dont vous parlez reflète la nature de votre esprit en vous. Jusqu'à quel point il y a de l'esprit en vous. Parce que l'esprit, ça ne parle pas de même. L'esprit, c'est bien terre à terre. Mais ça défie, c'est tellement terre à terre, l'esprit, que ça défie l'ego. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont tous abasourdis quand ils viennent des conférences. Parce qu'ils s'imaginent que ce gars-là, Bernard de Montréal, il devrait parler du faire, puis du non-faire, puis du faire à cheval. Puis je parle pas de même! Tu sais? Je défais tout, puis, tu sais, je tasse, puis je tasse. Mon histoire du chameau, là, dans le trou d'une aiguille, là, tu sais. Je la défais, puis Puis, je lui ai demandé souvent comment ça se fait que je suis pas capable de le dire, comme du monde, l'histoire du... C'est quoi l'histoire réelle? Ouais, c'est plus dur à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. À un riche de rentrer. Ouais. Bon, bon, cette histoire-là, je suis pas capable, moi, de la compter parce que ça serait citer quelqu'un d'autre. Si je cite quelqu'un d'autre, je ramène la mémoire de la forme spirituelle. Fait que si je veux dire ce qu'il a dit d'une autre façon, ben je vais dire, c'est plus dur à quelqu'un de rentrer dans le cul d'un chameau par rapport à la télégrille. Tu comprends pareil? J'ai-tu à faire? C'est toi, hein? Mais pour soigner, si tu prends des mots du gars, des mots du Seigneur, des mots du Christ, faut que tu les recrées, ces mots-là. Parce que si tu recites les mots du Christ, les mots du Bouddha, les mots du Tyler, ils t'ont dit des dents qui ont dit des choses qui sont valables. Si tu les cites textuellement, tu crées une forme spirituelle. Parce que si tu veux t'en servir, il faut que tu les recrées, tu les reconstruis, ces mots-là. Fait que c'est pour ça que c'est tout déformé. Mais les gens comprennent ça. Tout le temps. Ils sont tellement déformés que même un intellectuel ou un théologien, il va comprendre. Puis, il va rire. Il ne dira pas, il n'est pas éduqué, ce gars-là. Parce qu'il ne pensera même pas. C'est tellement déformé là, que son esprit va être obligé de saisir et de prendre ce que mon esprit lui a donné. Donc, il va partir en aller. Il va être éteint comme ça. L'esprit, c'est très spontané. Ça passe sur le dos de l'ego comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que quand on est dans l'esprit, on est dans. Quand on est dans l'esprit, on est dans une énergie. Et on dit ça. Autant que oui, tu peux avoir du plaisir à m'entendre, autant moi j'ai du plaisir à m'entendre. Je m'écoute parler tout le temps. C'est ça être dans l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça appartient pas à l'esprit.